Si je lis bien les deux panneaux directionnels, quel que soit mon choix, il est clair que continuer tout droit ou prendre la sortie mène à Rabastens. Le seul distinguo qui puisse être fait concerne les idéogrammes inscrits dans le registre comportant le nom de la ville. Par l'autoroute, la direction de Rabastens est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Par la route, la direction de Rabastens est fortement conseillée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Je suis au volant d'un véhicule léger, je peux donc choisir de continuer par l'autoroute, mais je peux aussi, si j'aime la compagnie des routiers qui généralement sont sympas, prendre la prochaine sortie. Réponse A et C.